qui se sont un jour rencontrés et qui ont décidé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout dans la façon dont les personnes âgées, les vieux et les vieilles étaient traitées, qu'il fallait absolument défendre les droits acquis des pensions, que le fait de vouloir remplacer une pension par répartition par une pension à points était une imbécilité. Moi, j'aime bien ce mot parce que je trouve qu'il est plutôt juste. Était une imbécilité par rapport à la façon dont la sécurité sociale avait été fondée. Et donc, ces personnes se sont retrouvées, ont formé un gang, le gang des vieux en colère, et on a commencé à faire une page Facebook pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et on a été nous-mêmes très surpris de voir qu'il y avait... Mais alors, les gens sortaient de partout. Il y avait vraiment un besoin pour les personnes âgées de se sentir respectées, de se sentir écoutées, et surtout qu'elles avaient beaucoup de choses à dire. Et donc, dans un premier temps, on a surtout axé notre action sur les pensions. Et récemment, il y a plusieurs mois, on a voulu venir être un peu encore plus proche des vieilles personnes, et on a commencé à s'intéresser de plus près aux maisons de retraite, aux soins de santé, et alors, effectivement, à la GRAPA, qui était la partie, les gens qui étaient le plus précarisés. Voilà, alors le gars des vieux en colère, c'est un groupe de pression. On fait des animations, on fait des flash mobs. Un jour, on a envahi un McDonald's en le transformant en maison de retraite. C'était très amusant. C'est une des premières actions qui a été relayée assez bien par la presse, même très bien par la presse. On a fait d'autres actions comme investir le magasin Apple à la Toison d'Or. Et encore d'autres dont Michel va vous parler. Et donc c'est ça, c'est un groupe de pression. On fait des flash mobs, on participe à d'autres manifestations, mais des manifestations citoyennes ou avec les syndicats. Nous ne sommes absolument pas apparentés à quelque parti politique que ce soit. Le mouvement lui-même est ouvert, c'est-à-dire que toutes les personnes qui font partie d'un parti politique, pas extrémiste de droite bien sûr, sont les bienvenues. Mais nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes un groupe de pression, de citoyens, et quand nous participons à des manifestations, ce sont des manifestations citoyennes ou avec les syndicats. Oui, c'est là que vous êtes devenu connu pour un plus grand public aussi, je suppose. Pendant plein de manifs, on parle toujours « Ah oui, les gangs de vieux colères étaient là de nouveau, on les a vus, vous êtes très visible à ce moment-là. » C'est nouveau. Ouais. On ne sait pas pourquoi, mais jusqu'au moment où on a créé ce mouvement citoyen, les vieux semblaient absents partout. Maintenant, on est plus de 11 000 membres et sympathisants, et on a à peine 2 ans d'existence. La réalité, c'est que les gens ont bien compris ce qu'expliquait Françoise, c'est que on a commencé par redouter l'existence de cette pension à points. C'est un petit peu de là que c'est venu. Maintenant, c'est mis au frigo. Mais au frigo, ça veut dire que c'est pas enterré, c'est pas mort. Donc, on doit faire très attention à cette pension à points, revendiquée de l'autre côté de la frontière par Monsieur Macron. Et tout le monde se rend compte que c'est une connerie intégrale, sauf pour les sociétés d'assurance, parce que les gens vont voir que ça va être tellement dramatique que ça va blinder de fric les banques et les assurances. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a voulu créer un mouvement altruiste. Vous voyez, Françoise parle normalement, elle bave pas trop, elle a pas craché son dentier, elle vous entend quand vous parlez. Donc on peut être vieux et tout à fait cool, sympa et rigoler avec vous. Moi, mes sonotones sont bien accrochées, je vous entends. Mais par contre, les jeunes qui vont devenir vieux, on ne sait pas dans quel état ils vont arriver. Et si en plus, on les prive d'une vieillesse digne, d'un minimum qui leur permette d'être dignes, pourquoi on a fait des enfants? Pourquoi nos enfants font des petits-enfants? Si c'est pour qu'à partir de 65, 66, 67 et peut-être plus, d'abord ils doivent travailler de plus en plus longtemps. Et ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de vieux que travailler plus longtemps, c'est normal, c'est même tout à fait anormal. Et ensuite, parce que ces jeunes qui vont arriver, si on écoute ce que font des voyous, c'est-à-dire les gouvernements en place actuellement, c'est un véritable gang qui est là pour essayer que les vieux aient le moins d'argent possible pour vivre, pour faire tourner l'économie. Ça veut dire qu'en plus, ils se tirent une balle dans le pied, ces imbéciles. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Et puis, comme dit Françoise, on s'est rendu compte que les plus vieux que nous, ceux qui commencent à devenir pas bien, ceux qui commencent à perdre un peu la boule. Parce que c'est comme ça. On a des maladies, on a des choses qui vous arrivent parfois avant de mourir. Eh bien, ceux-là, dans beaucoup d'endroits, principalement des homes privés, plus encore que dans des maisons de repos ou dans des maisons de repos et de soins, ces gens-là, qui se retrouvent terriblement dépendants, et bien souvent ils sont maltraités. Ils sont maltraités non pas à cause d'un mauvais travail d'infirmière ou d'assistant ou d'aide-soignant, ou de... non, parce qu'il y a un new management. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, new management. Mm-hmm. C'est vraiment ce qu'on appelle la tyrannie à l'état brut, qui vous demande de remplir des feuilles horaires plutôt que de soigner les gens ou de le tenir à la main parce qu'ils se sentent complètement perdus. Voilà. Et alors, on s'est dit, alors on va être altruiste dans l'autre sens. On va s'occuper des plus vieux que nous parce que vraiment, ça ne va pas. Et là, on a aussi une forte résonance. Et là, on a aussi une forte résonance dans le public parce que c'est quelque chose qui nous touche tous. Bon, même si on n'est pas soi-même âgé, même si on a 40, 50 ans. Bon, moi, j'ai eu ma mère, j'ai eu ma tante dans des maisons de repos privées. Bon, j'ai été confrontée à ce qui s'est passé. Et il y a beaucoup de gens aussi qui nous ont rejoints parce qu'ils avaient, le cas de leurs parents, de leurs grands-parents, de tous des apparentés, oncles et tantes, les révoltaient. Et donc, nous avons pu réunir des témoignages qui étaient vraiment surprenants et qui étaient parfois vraiment horribles, quoi. Mmh. Et comme disait Michel, pas seulement dans... Ce n'est pas une question de maison de repos communale ou bien de l'État. C'est aussi surtout dans les homes privés, où là, effectivement, il n'y a absolument aucun contrôle. Dans une maison de repos communale ou régionale, il y a un contrôle qui peut être fait. Dans les maisons privées, il y en a très peu. Oui, parce qu'on a eu une émission il y a maintenant un mois ou deux, peut-être plus, aussi avec le collectif Santé en lutte. Et donc c'est vrai qu'ils sont venus en parler avec le new management, donc sur les actes qu'ils doivent faire et sur les fiches à remplir. C'est une des raisons, François, vous en parlez, pour laquelle le gang des vieux en colère a accompagné Santé en lutte dans ces manifestations. Parce que nous estimons que si les soignants, les aides-soignants, le personnel hospitalier, les infirmiers, infirmières, les brancardiers, se retrouvent comme ça brutalisés par un système de direction qui n'est plus que dans ses chiffres et dans ses comptes, c'est les patients qui en prennent plein la gueule. Mmh. Ouais. Et donc, il y a vraiment intérêt à ce que les patients aillent dans la rue avec Santé en lutte. Parce qu'en réalité, Santé en lutte, quand ils se battent, c'est évidemment pour avoir la possibilité de faire leur travail. Mais c'est surtout pour avoir la possibilité de nous soigner tous. Et on était stupéfaits de voir qu'avec eux, il y avait le gang des vieux en colère et personne d'autre. Les patients n'étaient pas là. On ne comprend pas. Mm-hmm. Non. Mais il ne faut pas oublier non plus que dans le domaine de la santé, justement, il ne faut pas oublier que les très, très, très vieilles personnes, s'il n'y a pas quelqu'un pour les défendre, ce n'est pas elles qui vont se défendre. Elles sont dans un autre rapport. Elles vont être gentilles, elles ne vont rien dire parce qu'elles ne veulent pas qu'on leur fasse du mal. Je vous jure, c'est vrai. Bon, moi, j'ai vu ça avec ma mère et avec ma tante, surtout avec ma mère. Elles sont prêtes à faire, pas à faire n'importe quoi, mais enfin, en tout cas, à se taire parce qu'elles veulent être bien considérées, elles veulent essayer qu'on soit gentil avec elles. Donc, s'il n'y a personne pour représenter ces toutes vieilles personnes qui se retrouvent dans les homes, elles sont laissées à l'abandon, quoi. Ouais, elles ne peuvent pas obtenir leurs droits, ni avoir le soin qu'ils ont besoin, ni... ouais. C'est ça, les soins dont elles ont besoin, ce n'est pas mmh. uniquement une question de droit, c'est une question de bien-être aussi. Mmh. Nous avons lancé une idée il n'y a pas longtemps, et on se demande pourquoi ça ne s'est pas fait avant. Mais nous avons lancé une idée qui commence à être reprise, à faire du chemin chez certains représentants des députés. C'est l'idée de créer une convention des vieux. Pourquoi est-ce qu'il y a une convention des droits de l'enfant et pas une convention des droits des vieux ? Parce que les enfants, en réalité, s'il y a dépendants. La convention, ouais. c'est parce qu'ils sont dépendants. Ouais. Mais les vieux, c'est pareil. Ouais. À partir d'un certain moment, c'est pas un certain âge. Il y a des Alzheimer de 65 ans, et il y a des gens très bien portants dans leur tête qui sont pas dépendants à 80. Mais voilà, plus on vieillit, plus on a des risques d'être dépendants. Mmh. Et à partir du moment où ces personnes sont dépendantes, elles deviennent des véritables otages. Si la famille se plaint, eh bien, on ne sait pas, dès qu'on leur a fermé la porte, ce qui va leur arriver. Et ça, c'est terrible. Vous récoltez vraiment beaucoup de témoignages. Oui, mais, ouais. oui mm-hmm. mais il suffit de regarder dans sa propre famille. Mm-hmm. Moi, je sais très bien, au moment où ma mère a commencé à décliner, donc elle avait eu deux, trois petits AVC, etc., etc., bon, la direction du home, c'était un home privé qui maintenant est fermé, d'ailleurs. C'était un home privé... La direction savait très bien quand j'y allais. J'y allais le mercredi et le samedi. Mais comme elle n'était pas bien, je suis une fois venue à l'improviste. Et qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu qu'elle était complètement sous médication, qu'elle avait sa robe qui était relevée parce qu'elle avait refusé de mettre un linge parce qu'elle n'aimait pas ça, qu'elle n'avait pas l'habitude. Du coup, on l'avait laissée comme ça avec sa robe relevée dans sa chambre, quoi. Mmh. Manque de peau pour eux, j'étais passée à l'improviste. Bon, c'est clair que ça a gueulé dans tous les sens, mais j'ai pas pu l'empêcher. Et qui sait ce qui s'était passé avant ou après. Bon, heureusement pour elle, ça n'a pas duré trop longtemps. Elle n'a pas été trop dépendante. Bon, malheureusement, elle est morte quelques mois après, quoi. Mais rien que ça, ça lève un petit coin du voile, quoi. Mmh. Oh, tout à fait. Bon, mais je ne sais pas si on passe déjà un petit musique ou si on se lance pour l'action de lundi sur... Parce que vous avez emmené la musique et souvent... Vous allez expliquer à vos auditeurs ce mm-hmm. qu'était la grappa. Et on trouvait ça très bien que vous l'expliquiez, vous. Vous n'aviez pas commencé à vouloir expliquer, on s'est coupé ou... Ah oui, oui. Non, mais ça, c'était juste parce que je me disais, les auditeurs ne vous connaissent pas encore. Et donc, il fallait faire peut-être la présentation du gang. Ah oui, mais quand on nous lance, hein, on continue. Oui. Mais maintenant, c'est à vous de décider qu'est-ce que vous avez envie de parler. Mais je pense que si on veut passer comme le morceau de musique que vous avez emmené, parce que sinon, souvent, on parle beaucoup et on respire pas assez. Et les auditeurs non plus. Voilà. Et d'auditrices. Quand on pouvait, bon an, mal an, partir à l'âge de 60 ans, à la retraite, on mettait son plus beau costard pour faire honneur au pot de départ où l'on nous offrait par égal une épuisette. Partir en croisière, aller pêcher dans les rivières, truite et ablette. Oui, on en profitait pleinement avant de devenir impotent, grabataire et incontinent, arthrose, diabète. Aujourd'hui c'est moins folichon et l'on nous montre le bourrichon sur les retraites. D'après des experts avertis, certains sont beaucoup trop nantis et faut faire des économies. Fini la fête. On a été bien trop coulant de Léon Blum à Mitterrand. Ce qu'on était bête. On ignorait que le progrès, c'était de bosser sans arrêt, qu'on n'était pas là pour se marrer, c'est la compète. On croyait même que le bonheur, c'était de faire les 35 heures. Arrête Cosette. Sache que le travail, c'est la santé, c'est pas de prendre des RTT, et puis la pénibilité, c'est obsolète. Désormais, votre seul avenir, c'est de turbiner sans mollir, baisser la tête. Au lieu de mourir au champ d'honneur, clamser devant l'ordinateur, l'entreprise offrira des fleurs. Et adieu la retraite. Ok, on est de retour à l'émission de Tranjana. Oui, désolée. Et donc, on est toujours avec les gangs de vieux et de vieilles en colère. Et oui, tu allais être en train de nous expliquer qu'il y a des différentes thématiques et groupes de travail dans ces gangs. Oui, pour structurer le travail, on a développé plusieurs groupes. Donc, il y a un groupe, par exemple, qui s'occupe des maisons de retraite, des problèmes et des maisons de retraite. Et il y a aussi le groupe Grappa, qui lui a été initié effectivement par Paul Bouisseret. C'était une problématique qui lui tenait vraiment à cœur. Et il est un jour allé trouver la Ligue des droits de l'homme pour leur dire, mais écoutez, pour leur expliquer la situation. Voilà ce qui se passe avec ces personnes. Maintenant, en plus, il va y avoir des contrôles par le facteur, etc., etc. C'est pas possible de vivre comme ça. Il a réussi, il en a fait tant et tant, qu'il a réussi à émouvoir la Ligue des droits de l'homme, qui s'est penchée dessus. Il a eu du travail pour ça, hein, ça n'a pas été sans difficulté. Et qui ont donc décidé de se pencher sur cette problématique aussi. Et donc, si je ne me trompe pas, c'est eux qui ont lancé l'idée de la manifestation du 17 chez Daniel Baclen. Et poussé donc par le gang des vieux en colère, qui participe, mais aussi par un tas d'autres organisations. Est-ce que tu peux les détailler, Michel ? Oui, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que la Ligue des droits humains, c'est vraiment symboliquement un des organismes les plus importants pour nous, dès l'instant où il y a discrimination, où il y a quelque chose qui ne fonctionne pas d'un point de vue légal dans notre pays. Et donc, dès l'instant où la Ligue des droits humains a repris, je dirais, ce dossier, cette garantie d'aide aux personnes âgées, qui leur permet d'avoir un petit peu d'argent en plus, eh bien, dès qu'ils ont repris ce dossier, après je vais expliquer les incohérences de ce dossier, dès qu'ils ont repris le dossier, toutes sortes d'associations, les plus nobles les unes que les autres, comme le réseau de lutte contre la pauvreté, comme Enéo, comme Solidaris, comme, enfin, il y en a 40, qui se sont regroupés, qui ont regroupé leurs forces et qui ont dit, voilà, on va marcher avec vous, la main dans la main, on va faire vraiment une convergence des forces citoyennes, parce qu'on en a marre. On en a marre de l'indignité et de l'indécence de certaines mesures. Alors, quelle est la mesure ? La mesure, c'est que les plus pauvres d'entre nous, vous savez, il y en a qui ont 400 balles par mois, il y en a qui ont 500, 600, 800 par mois quand ils deviennent vieux. Et donc, il y a une grande générosité, ça c'est entre guillemets, avec, j'espère que vous le voyez, presque un fou rire dans mes yeux, il y a une grande générosité à leur donner quelques euros en plus, et donc ça veut dire qu'ils arrivent jusqu'à à peu près le minimum de pauvreté, c'est-à-dire, je crois, 1225 euros. 1115. Ou 1115 euros par mois. Et grâce à ces 1115 euros par mois, ils peuvent mener une vie de joie et de merveille. Et donc, comme ils vont passer une vie de joie et de merveille grâce à cet argent que leur donne généreusement l'État, eh bien, il faut quand même les punir, parce que finalement, vivre avec 1115 euros par mois, c'est quand même un peu exagéré. Et donc, pour les punir, on a trouvé un truc, c'est qu'on les contrôle. On contrôle ces gens-là. Et non seulement on les contrôle, mais si jamais il leur arrivait l'envie d'aller voir des enfants, des petits-enfants, je ne sais pas moi, qui ont émigré en Espagne ou en Pologne ou je ne sais pas, aux États-Unis. Enfin, les gens, finalement, ont le droit de voyager encore un petit peu. Eh bien, ils doivent demander l'autorisation. Et de toute façon, ils ne peuvent y aller que 21 jours par an. Alors qu'ils pourraient être hébergés et vivre un petit peu plus décemment par leurs petits-enfants dans le Wisconsin ou à Torremolinos, vous voyez. Alors ça, c'est déjà une chose. Mais alors... Parce que soi-disant, c'est un droit résiduaire, donc c'est un peu comme le CPS, quand tu as un revenu de CPS, c'est basé sur ton séjour en Belgique. Mais c'est vrai que c'est dingue de le jour que les gens peuvent aller à l'étranger, c'est vraiment rien. Ah non, c'est rien du tout. Tu n'as plus du temps. Mais en plus, ce sont des très vieilles personnes. Ouais. Donc, c'est même pas. Ouais. On les punit pourquoi ? Parce qu'elles ne vont pas demander de travail. Mais non, elles ne travaillent plus à cet âge-là. Ouais. Les gens me disent que. C'est... Oui, tu vois, c'est. En plus, la punition, ouais. Parce qu'ils n'ont pas travaillé. Les principales victimes. Ils n'ont pas travaillé, c'est ça qu'ils disent. Oui, ah. Oui. Ah ben oui. Ah ben oui. S'ils n'ont pas une pension complète, c'est qu'ils n'ont pas travaillé. Ouais, alors, c'est pas vrai. D'abord. C'est... parce qu'il y en a beaucoup qui ont travaillé peut-être mi-temps ou pas eu de chance. Alors, il y a beaucoup de femmes aussi dedans. D'abord, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent au chômage parce que leur usine a fait faillite. C'est pas vraiment de leur faute, hein, excusez-moi. Ceux qui en plus se retrouvent à la rue comme ça et qui ont passé 50 ans tintin pour retrouver du travail, parce qu'on ne retrouve plus de travail à partir de 50 ans aujourd'hui, ou très rarement, et parce qu'il y a toujours des exceptions. Hein, ça, il y a quelqu'un qui téléphone ici tout de suite et qui dit pas du tout, j'ai 52 ans, j'ai retrouvé du travail tout de suite, il m'a suffi de traverser la rue. Il y a des gens qui disent, il suffit de traverser la rue pour trouver du travail. Mais la vérité est que ce n'est pas vrai. Ensuite, il y a les femmes. Et principalement les femmes seules avec enfants, qui se retrouvent à devoir s'amuser à la maison à faire la vaisselle, s'amuser à la maison à faire la cuisine, s'amuser à la maison à faire les devoirs aux enfants et à les surveiller, s'amuser, parce que c'est pas du travail tout ça, vous comprenez. Et donc, comme elles n'ont pas travaillé, qu'elles se sont beaucoup amusées à la maison, elles n'ont travaillé qu'à mi-temps. Et comme elles n'ont travaillé qu'à mi-temps, ben voilà, elles se retrouvent avec moitié de carrière dite complète. On se fout de la gueule du monde. Comme si une femme, parce qu'elle bosse à la maison, ne travaille pas. Non, ce n'est pas une carrière complète, elle n'a pas travaillé. Donc, il y a une majorité des femmes qui sont coincées là-dedans. Il y a les hommes qui ont eu, ou les femmes qui ont eu des accidents de la vie, style se retrouver au chômage, ou avoir eu un accident, enfin il y en a plein comme ça. Mais en plus, alors il y a les artistes. Les artistes pour le coup, c'est à hurler de rire, ils n'ont pas de statut. Comme ils n'ont pas de statut, ils sont travailleurs comme les autres. Alors bien sûr, ils peuvent se retrouver dans des systèmes chômage longue durée, machin. Ce qui n'empêche. Qu'est-ce qui se passe? Si vous allez dans un théâtre, dans un opéra ou dans une salle de concert, il y a des gens qui, pendant la période de Noël et pendant janvier, ça s'arrête à peu près à la fin du mois de janvier, vendent des crayons pour les artistes nécessiteux. Mais les artistes nécessiteux, c'est 80% des artistes qui n'ont pas, ils ont pas, ils sont à la grappin. Et alors ces artistes, non seulement ils ne peuvent plus aller à l'étranger, sauf 29 jours, 21 jours, je ne sais plus, on s'en fout, on n'est pas à quelques jours près. Non, parce qu'il y a une petite différence, mais en plus, ils ne peuvent pas aller à Gand, ils ne peuvent pas aller à Arlon, s'ils sont bruxellois, parce qu'ils ne peuvent pas voyager en Belgique sans demander l'autorisation, et pas plus de 21 jours. Alors, on se fout de qui ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire... que les grandes entreprises comme McDonald's qu'on a occupées en leur montrant qu'ils ne payaient pas leurs impôts en Belgique ou 0,03% d'impôts en Belgique. McDonald's, hein, alors que le petit vendeur de burgers d'à côté, il paye 33% d'impôts en Belgique. Mais ces grandes entreprises, eh bien, elles peuvent verser leurs impôts où elles veulent, dans un autre pays, comme elles veulent. Elles peuvent faire voyager leur fric. Ça bouge. Et le petit, là, qui a cette chance d'avoir 1115 euros par mois, il doit le dépenser en Belgique. Sinon, c'est une honte pour notre économie. Mais on se fout de qui ? On se fout du monde. Donc, c'est la guerre des gangs, vous voyez ? Et c'est pour ça qu'on a appelé ça le gang des vieux en colère. Parce qu'il y a des gangsters en face de nous, vraiment. Je pense que ça, c'est un peu lié avec les nouvelles mesures pour la grappa. Parce que tu dis que les gens doivent aussi demander en Belgique pour pouvoir bouger en Belgique. Je ne pense pas que c'est encore le cas, c'est plutôt pour aller en étranger. Qui doit c'est avoir le cas, hein, pour la Belgique, c'est le cas. Hein. Ça, je peux vous garantir. Est-ce que ce n'est pas lié au fait que maintenant le facteur il passe et que les gens n'ont que 5 jours pour pouvoir mettre en ordre le document, que c'est ça qui bloque maintenant que alors, les gens ils sont terrorisés parce que oui. C'est le facteur. Oui, en effet, c'est le facteur qui doit. Peut-être il faut expliquer qui doit cette nouvelle donner mesure la preuve aussi. Ouais. Que les personnes étaient chez elles. Est-ce que tu veux. Ce qui n'est pas leur rôle. Depuis quand maintenant un facteur est une personne assermentée et c'est pas quelqu'un d'assermenté. Mais ils n'avaient pas refusé ça. Ils n'avaient pas refusé ça justement. Le facteur de le faire. Alors, il y a eu un mouvement. Ils ont essayé de refuser, mais à mon avis, ça n'a pas été long. C'est-à-dire qu'il y a eu un mouvement interne très mouvement. Chaleureux de la part des facteurs, mais c'est leur boulot. Je veux dire, à partir du moment où Bipost a signé un accord et ils un ont contrat pas en faisant passer en gagnant un cahier des charges, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Et c'est une mission. La mission est légale, la mission est légale, etc., etc. Et ça continue. Ça, pour le moment, il y a toujours les facteurs qui font effectivement les contrôles. Ça n'a pas arrêté. Non, mais il y a eu une tentative, mais c'était la CGSP, mais qui c'est certains facteurs qui ont dénoncé à la presse. C'était commencé avec ça, je pense, que les gens se rendaient compte de, un peu qu'est-ce qui se passait. Aussi, hein, mais maintenant, ouais, tu vois, pas tous les syndicats ont suivi, maintenant je pense qu'ils suivent quand même, mais parce qu'ils ont carrément dit, c'est aussi du boulot en plus pour Bipost, par cette convention qu'ils ont signée avec le ministre. N'empêche que dans la réalité, ouais. Les contrôles se font toujours. Oui, oui, donc c'est ça que je veux dire. Donc cette convention était en plus un surplus, soi-disant aussi pour Bipost, pour pouvoir mettre plus de gens au travail ou plus de tu vois. Et c'est ça qui... Pourquoi je pense que les facteurs n'ont pas pu se refuser vraiment parce qu'il y a c'est très compliqué pour eux. Hein. Il suffit de se mettre à leur place. Je veux dire, on ne peut pas non plus demander aux facteurs de se faire virer pour faute grave parce qu'ils n'exécutent pas une mission qui n'a rien d'illégal. Donc ça, c'est vraiment compliqué. Et en effet... Il y en a plein qui se sentent mal à l'aise à le faire. Ah non, ça, c'est clair. Il y en a plein qui sont très mal à l'aise. Et maintenant, il y a des syndicats qui ont suivi l'appel pour lundi. Donc, lundi, il y aura des représentants de la CSC, des représentants de la FGTB, en particulier de la CGSP, qui seront présents. Parmi toutes les associations, il y a les syndicats aussi. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand le facteur arrive, il sonne. Je ne vais pas vous faire le coup, le facteur sonne toujours deux fois. Non, il sonne. Il sonne une fois. Et il regarde sa montre. Et si vous regardez une montre, vous savez qu'une pub, en général, ça fait 30 secondes. Eh bien, c'est un tout petit peu plus que deux pubs, le temps de deux pubs, où il attend que... Enfin, c'est prévu comme ça, c'est écrit comme ça. C'est pas pour ça qu'il attend, d'ailleurs, parce qu'il a d'autres choses à faire. Enfin, il attend. 69 secondes. 69 secondes pour le petit vieux qui est sous sa douche, le petit vieux qui est au petit coin, le petit vieux qui est au troisième étage sans ascenseur avec l'ascenseur en panne. Et les petites vieilles aussi. Hein. Alors, je ne voulais pas le dire, mais les petites vieilles aussi. Le petit vieux qui simplement doit courir pour retrouver ses chaussures ou ses pantoufles ou je ne sais pas quoi et aller ouvrir la porte, et la petite vieille aussi, etc. Il n'arrive pas. Mais non. Il arrive, mais il déjà arrive nous, à 70 secondes. Déjà et bien, nous. Et bien, hop, c'est noté. Hein. Déjà nous, quand on nous livre un colis, on n'arrive pas à aller assez vite que pour aller chercher, le facteur a déjà fichu le camp, ben, vous imaginez quand c'est pour ça, ben, les personnes plus âgées n'ont pas le temps d'arriver. Hein. Déjà nous, on n'y arrive pas pour aller chercher un colis. Ben, elles n'ont pas le temps d'arriver, bon, mais le facteur est parti. Mais ça, c'est quand le petit vieux et les petites vieilles aussi sont chez eux, sont chez elles. On est allé promener le chien, ça fait du bien. C'est très bien que les petits vieux marchent un peu, et les petites vieilles aussi. C'est très bien que les petits vieux fassent le tour du bloc avec Mirza pour faire pisser Mirza. Enfin, c'est de la compagnie, c'est dire bonjour à ses voisins, tout ça. Ils n'osent plus bouger de chez eux. Moi, j'ai une copine qui est dans un grappin qui me dit quand je vois un facteur, je cours chez moi pour voir s'il est passé, pas passé. Ils ont un stress, vous ne pouvez pas imaginer. Parce que c'est leur moi qui en dépend. Et en plus, ils peuvent être éjectés complètement de la grappin. Non, alors franchement, pourquoi une double peine? Pourquoi mettre une sorte de collier électronique au pied des petits vieux, un boulet au pied en disant vous allez rester chez vous, vous n'allez plus sortir de chez vous parce que le facteur, il peut passer à tout moment, et à tout moment il peut vous sanctionner, et à tout moment il peut vous ruiner la vie. C'est vraiment le terme. Non, alors vraiment, quand on dit c'est la guerre des gangs, c'est la guerre des gangs. Hein. Mais c'est aussi une guerre contre la fraude sociale, hein, parce que c'est ça aussi que je vois. Mais enfin, vous parlez comme le new management. Qu'est-ce que ça représente, ça, la fraude sociale chez les petits gens qui n'ont pas d'argent dans leur, oui, dans le mais c'est leur ça, porte-monnaie. C'est ça le truc, tu vois. Madame, c'est des gens vous avez. Alors, vous me mal. Faites honte de dire une chose pareille. Vous ressortez quelque chose qui est horrible. Non, je dis ça vraiment parce que c'est la guerre des politiciens d'aujourd'hui. C'est vraiment la guerre pour les pauvres, tu vois, c'est vraiment comme... Ah, contre les pauvres. Le contraire, parce quoi. Apple qui fait passer ça pour en Belgique, là, tout à coup, tout le monde s'en fout, hein. Non, mais c'est la même chose avec les gens qui ont revenu de CPS. C'est vraiment, on est en train de punir, de contrôler, de suspension à les suspicions. On leur envoie les huissiers. On leur envoie les huissiers quand ils n'ont pas l'argent pour payer la nourriture de leurs gosses. Mais dans quelle société on vit? On est dans une société qui est devenue, qui pratique l'exclusion. C'est plus une société qui protège ses membres, hein. C'est une société qui exclut, qui a cette espèce, bon, je ne voudrais pas le dire, mais je le dis quand même, parce que je le pense vraiment, c'est cette espèce d'esprit judéo-chrétien de la punition. Vous n'avez pas fait comme tout le monde, vous n'avez pas pris un petit travail, vous n'avez pas été au chômage entre votre période de travail, etc. Vous avez été un petit peu sur le côté, on va vous punir. Mais où on vit là? Ça, ce n'est pas la société que les gens, pour laquelle les gens ont travaillé, pour laquelle les gens se sont battus, hein. C'est celle qu'on nous impose d'en haut, surtout ces dernières années. Et je trouve que c'est absolument inadmissible. Oui, non, tout à fait. Non, heureusement, je me mal exprimé, mais c'était carrément pour dire que c'est scandaleux qu'on mette tout le personnel, tous les moyens, tout l'argent dans ces contrôles. Des gens qui n'ont vraiment presque rien. Et c'est, ouais, et qui, aussi pour donner une image comme... Ah ouais, c'est leur faute. Comme tu dis, il faut le punir. Ils le méritent parce que c'est quand même l'argent de l'État. Aussi, ça, c'est un truc de dingue. Mais c'est notre argent, l'État. Oui. L'État, c'est mais nous. Ça, et ça qu'ils oublient, c'est comme personne n'a travaillé. Parce qu'ils disent que c'est ceux qui travaillent qui donnent pour la caisse, hein, cotisation pour la caisse. Mais ce n'est pas du tout ça, tu vois. C'est tout le monde a cotisé pour cette caisse. Oui. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a des choses, des caisses qui existent. C'est parce qu'il y a des problèmes sociétals, il y a des problèmes de marché d'emploi, il y a des problèmes de marché de logement, il y a plein de problèmes que le nouveau gouvernement ne prend pas ses responsabilités du tout. Ils font rien que individualiser, tu vois, et culpabiliser les gens. Ce sont des fausses mesures. C'est rassurer, je dirais, le bourgeois qui n'est peut-être pas bien informé. Et qui croit qu'il pourra vivre dans un bien-être toute sa vie et que ça n'arrive qu'aux autres. Et donc, c'est rassurer ces gens-là en disant, attendez, ces salauds qui n'ont pas travaillé une carrière complète, eh bien, on veille au grain. Nous, on veille au grain. On fait attention à l'argent de l'État. Et donc, centime par centime, on va aller le chercher. Et ça, c'est une espèce de grande chape de plomb qu'on met comme ça. Vous voyez comment on s'occupe de chaque denier. Mais c'est pas vrai. Les énormes voleurs, Alibaba et ses 40 voleurs, eh bien, ils sont pas là. Ils sont pas chez les gens qui ont 1115 euros par mois pour vivre. Donc, c'est un leurre. C'est vraiment un mensonge. Par exemple, on dit encore toujours, depuis 2 ans, encore toujours, on dit « Ah oui, mais il y a de plus en plus de vieux et donc on ne va pas s'en sortir si on ne serre pas la vis. » C'est faux. Les statistiques officielles mais complètement officielles font que le baby-boom, ça s'est passé en 44, ça fait 10 ans que ça s'est terminé, et cette courbe, depuis 2 ans, doucement, de vieux, redescend. On se fout de qui a encore dit la même chose. J'étais l'autre jour en face du baron Timmermans. Alors là, c'est un type extraordinaire. Vous ne voyez pas qui c'est le patron des patrons. Alors, il est extraordinaire, ce type. Et il m'a dit, oui, mais on paye des énormes salaires en Belgique. Alors, je ne sais pas où il a sorti ça, sauf s'il parlait du sien. Il y a des gens qui s'affluent, comment... Et les vieux, il y en a de plus en plus, et il y en aura encore de plus en plus. Mensonge ! Il n'y a personne qui le reprend. Et c'est sans arrêt comme ça. On invente des choses, on affirme des choses, et c'est faux. En fait, c'est une question de philosophie. C'est nous, un peu comme avec la migration, quoi, tu vois, comme ils disent aussi des fausses rumeurs. Absolument, absolument, on raconte que des conneries à propos de la migration. Mais non, c'est pas moi qui vais m'occuper de ça, parce que je m'occupe des... On s'occupe des vieilles aussi, et des vieux. Mais voilà, vous avez raison, c'est sur plein de niveaux qu'il y a des mensonges comme ça, éhontés, qui se disent, qui se propagent, comme la lèpre ou la grippe chinoise, enfin c'est... Voilà, ça, mais par exemple... Est-ce que vous trouvez, bon, les gens qui ont une carrière complète, une pension complète, et même ceux qui n'ont pas une pension complète. Bon, moi, je travaille, par exemple, 30 ans à temps plein, j'ai aussi été au chômage, mais disons que les périodes de chômage ont été reprises dans les périodes de travail, donc j'ai une pension moyenne, nivellée par le bas, comme elle a été les dernières années, mais enfin, bon, soi-disant, une pension, entre guillemets, parce que moi, je ne le trouve pas, mais correcte. Mais est-ce que vous trouvez normal que sur une pension de, par exemple, 1350, 1380 euros par mois, on doive encore payer des impôts ? Mais les impôts, on les a payés avant. On a payé tout le temps où on a travaillé, on a payé des impôts. Et sur la pension, sur la toute petite pension qui a été rabotée par les gouvernements précédents, on doit encore payer 350 euros d'impôts par an. Ça, c'est pas juste. Hein. Oh, wow. Bah oui, mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est pas juste. Elle a tout à fait raison. Moi, j'ai une pension ça, ça, en dessous du minimum et je paye des impôts. C'est comme ça. Enfin bon, il y a tellement de choses à faire. Je pense que le gang des vieux en colère, malheureusement pour nous, parce qu'on a d'autres choses à faire, hein, on préférait aller boire un verre tranquillement. Et bien voilà, lundi, on sera devant chez Bakelen à hurler notre rage contre cette discrimination sur les plus démunis d'entre nous. Et ça se passe à quelle heure et comment qu'est-ce que vous allez alors faire? Ça commence à 10h, devant le numéro 15 de la rue des Petits Carmes, qui se trouve dans le centre de Bruxelles-Ville, enfin, je dirais entre la Place Royale et la Porte de Namur, pour faire un peu simple, tout près du Sablon aussi, oui. Tout le monde peut venir, crier avec nous, mais enfin, on sera déjà quand même un peu nombreux. Voilà, mais c'est simplement crier et hurler, non pas pour que Bakelen nous entende, parce que Bakelen, c'est un vieux monsieur qui a été éjecté par les élections, je dirais, et il ressemble plus à rien. On dit qu'il est ministre, oui, mais enfin, à part s'occuper de prendre de l'argent tous les mois, il n'a pas l'occasion de faire grand-chose. Alors, M. Bakelen, tout le respect que je vous dois parce que vous êtes ministre, mais enfin, pour le reste, pourquoi est-ce qu'on va crier devant votre cabinet ? Ben, on va crier pour la symbolique, parce que, normalement, il y a un nouveau gouvernement qui doit arriver. Et ce nouveau gouvernement veut dire aux gens qui vont le former, qui vont en être... Faites bien attention. On n'est pas mort, on est peut-être vieux, on n'est pas cuit, on est peut-être vieux, mais on existe et on ne va pas vous laisser faire n'importe quoi. Voilà pourquoi on va, lundi matin, crier à la discrimination contre les plus malheureux d'entre nous. Je pense, parce que bon, je fais un peu partie des associations qui vous soutiennent, il y a aussi eu une lettre qui a été écrite pour donner au Parlement. Et donc, je pense que c'est cette semaine-ci qu'il y a pas mal de discussions dans la commission parlementaire. Est-ce que vous avez pu encore réagir ? Parce qu'apparemment, il y avait aussi Est-ce qu'ils ont pris en compte, est-ce que vous savez cette lettre, est-ce qu'ils vont pris en compte? Ça sera expliqué lundi. Ça sera expliqué lundi. Voilà. Ah. Donc, comme on attend encore des réponses dans les jours qui viennent, le sentiment des parlementaires qui ont reçu cette lettre, et des politiques, et des présidents de partis, etc., ce sera... on expliquera ça à la presse présente lundi, ce qu'il en est, comment on a pu progresser de ce côté-là. Donc je ne peux pas vous donner une réponse non, tout non, de suite. Non, c'était juste pour savoir. Mais ça suit son cours, lieu, effectivement. Ouais. Ok. Et vous avez une petite musique qui va avec pour faire appel à une action. Alors, on n'a pas de musique à nous. Maintenant, si par exemple vous avez Bella Ciao, on s'en sort très bien. Vous avez bien chanté, hein. Ma vie, c'est ça. Voilà. On peut le faire après sur YouTube. J'ai trouvé très bien la chanson sur la retraite qui était sur l'air de À bicyclette que vous avez fait passer juste avant. Parce que c'est quand même une chanson qui a été écrite juste à la fin de la guerre. Et c'est à la fin de la guerre, c'est-à-dire il y a 75 ans, qu'a été créée la sécurité sociale. Et nous, les vieux, on se pose vraiment des questions. Parce que moi, par exemple, j'ai l'âge de la sécurité sociale. Donc c'est au moment où je suis né, dans mon berceau, qu'on m'a donné, comme à vous plus tard, la sécurité sociale. Et c'est à ce moment-là, il ne faut pas perdre de vue, que se terminait l'offensive von Rundstedt dans les Ardennes, qu'il y avait plein de morts partout, qu'il y avait des maisons bombardées par des V1, des V2, tout ça explosait de partout, qu'il y avait la pénurie alimentaire, qu'on ne trouvait pas facilement à manger, enfin, qu'il y avait une espèce de désarroi terrible. À ce moment-là, on crée une machine de guerre qui s'appelle la sécurité sociale, dans la joie, parce qu'on va être tous solidaires des plus démunis et de ceux qui vont le moins bien. Et depuis, on n'a pas arrêté de démolir cette sécurité sociale. Alors c'est quand même fou qu'au moment où, alors bien sûr, les 30 glorieuses sont passées, mais enfin, il y a quand même beaucoup d'argent qui coule en Belgique. Comment ça se fait ? Beaucoup plus que n'en coulait en 44-45, comment ça se fait que maintenant, solidarité n'existe plus? Enfin, la part patronale était de 33%. Elle est passée à 25% il y a 2 ans ou il y a 3 ans. Pourquoi est-ce qu'on a réduit la part patronale? Mais pourquoi? Il n'y a personne qui l'a vu ou quoi? C'est passé comme ça en courant. Et ben, mais voilà. C'était pour créer des emplois, n'est-ce pas? Jobs, jobs, jobs. Oui. Jobs, jobs, jobs. Parce que sinon, les entreprises, ils s'en vont. Mais les jobs, jobs, ça, jobs, ça n'a été que des jobs précaires. Oui. Là, le côté faites payer les impôts en Belgique, sinon les entreprises s'en vont, ça, c'est à hurler de rire. Oui, mais c'est vraiment le truc qu'ils disent. Le coup de ça, McDo partira. Il n'y aura plus de vendeurs de durum dans les rues, vous voyez? Ah, mais McDo va partir, ça va faire autant d'emplois. Ah, vous croyez qu'ils ne vont pas se recaser dans des petits rooms ou dans des... Mais enfin, on se fout de nous. La gueule, ouais. Ah, Ikea va partir. Donc, il n'y aura plus de vendeurs de meubles. Donc, il n'y aura plus de vendeurs de lavabos. Donc, il n'y aura plus des petits artisans chez nous qui vont refaire des meubles et recréer des... C'est plutôt régler mais des choses. Mais ce serait pas mal qu'ils s'en aillent IKEA ou alors qu'ils payent leurs impôts, c'est tout. Moi, j'ai rien contre IKEA, mais qu'ils payent leurs impôts normalement, comme le vendeur de meubles d'à côté. Ça veut dire quoi? Voilà. C'est pas pour et rien tout... que les gilets jaunes étaient devant IKEA. Et tout est comme ça. Mais Deleuze, c'est quand même belge, et eux, ils ne payent pas leurs impôts. Bien sûr, mais ils peuvent partir. Ils peuvent partir, oui. Ils peuvent partir, ça ne nous dérange pas. Ils sont déjà installés aux États-Unis. Il y a plein de magasins de coin. Ils sont déjà installés aux États-Unis, Deleuze. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons, avec un collectif formidable qui s'appelle Flash Mob Fiscal Justice, c'est pour ça que nous avons occupé, il y a quelques mois, Deleuze. C'est pour dire, où est caché votre trésor? On veut récupérer votre trésor. Et on était là, déguisés en corsaires, en criant l'abordage. Ils ont eu très peur. les flics sont arrivés, sont restés calmes. Et on leur a offert des pièces en chocolat. Voilà. Stamattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano. Ben voilà, toujours l'émission Tranjanar avec le gang des vieilles et vieux colères. Gangster avec un gangster et gangster de gang des vieux en colère, vieille colère. On était aux actions. Vous parlez de... Mais écoutez, on fait des actions. Que vous faites. On fait des actions pour lesquelles on essaye d'être un peu choc, chic et drôle. Chic et drôle, ça c'est voilà. Pas mal. par exemple, on a enterré la sécurité sociale devant le Parlement européen. Ça, François, tu peux en parler. On ne s'est pas emmerdé enterrer la sécurité sociale. Alors bon, on s'était réunis, on a fabriqué un cercueil, on s'est habillé de noir, on avait un prêtre très incantatoire, et nous sommes arrivés devant la place du Luxembourg, où on avait choisi un jeudi, où il y avait pas mal de fonctionnaires européens qui le jeudi à 4 heures prennent leur petit apéro, verre, oui. Avant de reprendre leur train, etc., etc. Et donc on a fait le tour de cette place assez longtemps, en chantant, en expliquant nos revendications, notamment, c'était surtout sur la pension, sur le problème des pensions de la répartition et pas à point. Et on a distribué nos leaflets, nos brochures, aux fonctionnaires européens qui étaient là. Alors c'était très amusant parce que d'un côté, on avait les fonctionnaires européens du Parlement qui était là et qui prenait nos et qui les lisait, et de l'autre côté de la place il y avait les petits vieux et les petites vieilles qui habitent le quartier, qui étaient là aussi et qui elles aussi prenaient nos brochures et en discutaient avec nous, etc. Et c'était une action qui était très très très chouette, et il faut dire que la police a été très réceptive. Vous faites toujours les choses sans autorisation. Presque hein toujours. Oui, c'est-à-dire que, ouais. Par exemple, lundi, étant donné qu'on fait avec cette grande dame qui s'appelle la Ligue des droits humains, et puis d'autres organisations, comme vous avez cité vous-même, les syndicats, les mutuelles, tout ça, là, on le fait avec autorisation. Quand on le fait tout seul, on est trop vieux. Vous savez, les vieux, si on les touche, leurs os cassent. On fait de l'ostéoporose, hein, les hommes aussi, et les femmes aussi. Oui, mais moi pas encore. il ne faut pas non plus trop s'énerver sur les vieux, ce n'est pas la peine, ça ne sert à rien. Mais ils ont quand même une certaine retenue. Hein. Je l'ai remarqué très fort dans les premières actions qu'on a faites, c'est qu'ils étaient devant... Bon, ils sont devant d'abord des personnes âgées. Ils n'ont pas l'habitude. Ils n'ont pas l'habitude. Ils ne s'imaginent pas qu'elles puissent le faire. Bon, moi, un jour, je me suis retrouvée en plein milieu de la zone neutre avec ma chasuble. J'avais oublié de l'enlever. Avec ma chasuble, mes badges et mes trucs. Bon, ils m'ont arrêtée, mais ils m'ont gardée. Et ils m'ont gentiment dit, mais vous savez, vous ne pouvez pas garder ça dans la zone neutre. Et je l'ai gentiment enlevée. Mais ils sont surpris. Mmh. Ils sont surpris. Ils ne s'attendent pas à voir des vieilles personnes qui soient aussi assertives. Et malgré tout, il y a quand même de temps en temps un sentiment de respect vis-à-vis de nous. À la toute première manifestation, on avait inventé, on avait créé, c'était en avril 2018, toute première fois qu'on apparaissait en public, et on avait décidé d'aller porter depuis la place de la Liberté jusqu'au 16 rue de la Loi une lettre au Premier ministre, une lettre ouverte au Premier ministre. Et on avait, on avait demandé l'autorisation. On ne savait pas très bien comment il fallait faire, on avait demandé l'autorisation. Et donc, on était quand même sous haute surveillance. Parce que quand on demande l'autorisation, la police est là. Et finalement, ce n'est pas plus mal parce qu'ils font la circulation, ils s'occupent de tout. Donc, c'est un côté très sympathique, très belge, belgo-belge en fait. Et l'officier de police, à un certain moment, jeudi, et maintenant, nous allons porter la lettre ouverte au 16 rue de la Loi. Vous ne pouvez pas faire ça comme ça. Il faut demander l'autorisation pour passer dans la zone neutre, etc. Mais, étant donné que je suis là, dit ce lieutenant de police, je vais aller avec vous. Parce que moi, j'ai l'autorisation. Et donc, il a escorté notre délégation. Je n'en faisais pas partie, mais après, ils sont revenus sans avoir les menottes au point. Il a escorté notre délégation jusqu'au cabinet du Premier ministre. On a remis la lettre ouverte à sa secrétaire et tout s'est très bien passé. Place du Luxembourg, on avait essayé une nouvelle arme secrète, une arme de gangster, vraiment. On avait fait, vous savez, comme les grands-parents, les papis de mamie, font à la plage d'Ostende ou de Nieuport, des fleurs en papier et puis on les vend contre des coquillages. Et on avait fait des fleurs en papier, on les a offertes à la police. Ils l'ont tous reprise. L'un le mettait à la boutonnière, l'autre le mettait dans son corsage, enfin, parce qu'il y avait un monde fou pour avoir et recevoir le côté power flower de notre action. Et bien maintenant, c'est régulier. On offre des fleurs en papier parce que finalement, le pouvoir des fleurs, c'est quelque chose de fantastique. La seule fois où on a eu des difficultés, c'était à l'Apple Store. Mais ça, c'est parce que c'était le patron de l'Apple Store qui a été très, très virulent, qui a exigé que la police contrôle toutes les personnes qui étaient là, etc. Mais ça, c'était parce que le patron avait exigé ça. Votre carte d'identité, oui. C'est ça? Oui. Ouais. Mais aussi, généralement, ça... Mm-hmm. On l'a bien aimé, ce patron. Parce que du coup, les chaînes de télévision ont eu le temps d'arriver. Comme il nous a bloqués, ça a fait le buzz, les gens se sont téléphonés et on a vu RTL, la RTBF, tout le monde commençait à affluer grâce à ce patron d'Apple Store. Il nous a fait une pub d'enfer. Oui. Je ne le remercierai jamais assez. Comme quoi les cons, parfois, ça peut vraiment faire du bien à tout le monde. Hein. Mais enfin, c'est parfois. Ce qu'on a fait aussi, c'est envahir une maison de repos qui nous semblait, d'après ce qu'on avait entendu, notamment d'un des résidents, plutôt une maison de repos et de soins qui faisait bien son travail. C'est une maison de repos et de soins qui se trouve à Saint-Gilles. Et on l'a envahi. Au moment de l'épiphanie, on était déguisés en roi mage et on leur a apporté des galettes des rois. Et il y a eu une centaine de petits vieux avec qui on a partagé, et de petites vieilles aussi. Oui, oui, il y en a deux. Avec lesquelles on a partagé la galette des rois et on s'est exprimé, on a exprimé tout ce qui nous semblait qui n'allait pas. Vous savez qu'il y a des contrôles qui sont faits. Il y a des contrôles qui sont faits pour voir si tout se passe bien dans les maisons de repos. Eh bien, ils téléphonent pour dire on va venir dans 3 jours à telle heure. Vous trouvez ça normal, vous? Et bien, il n'y a personne qui est là pour contrôler les contrôleurs. Ça, c'est quand même bizarre. Hein. Donc, c'est un petit peu comme... Mais ils contrôlent quoi? Qu'ils contrôlent que les chambres soient nettoyées, que les personnes, que les, per- ouais. les petits vieux soient... Mais ils appellent les proches de l'avant, donc ils peuvent déjà mettre en ordre etc., tout. Etc. Ouais. C'est pas un contrôle sur, par surprise comme le facteur. Non, alors dans ce cas-là, c'est pas par surprise. Non. Ouais. Ah non, là, c'est pas... là ils appellent trois jours en avant pour bien dire « Faites attention, on passe chez vous. Ouais. » Mais pour l'action dans la maison de retraite, la résidence Les Tilleuls, ce qui était très chouette, c'est que on a eu, donc il y a eu l'action, il y a eu le partage de la galette, il y a eu un petit orchestre qui était là pour égayer les pensionnaires, et le directeur de la maison de repos s'est joint à un moment, est venu sur le podium avec nous, et il nous a, bon, il s'est fait qu'on a pu expliquer tout notre calendrier de revendications, et la presse était là, donc ça nous a permis d'avoir une audience, de pouvoir répercuter cet événement dans la presse, dans les médias, etc. Et ça, c'était vraiment très chouette, quoi. Et après, ce qui était bien, des... c'est qu'il n'a pas fait comme Apple. Mm-hmm. Voilà. Il a fait le contraire, parce qu'à côté, mais quand je dis à côté, c'est vraiment le voisin de cette maison de repos, c'est le commissariat de police. Eh bien, ils ont demandé expressément aux policiers de ne pas venir en disant « On sait ce que c'est que le gang des vieux en colère, c'est pas des méchants ». Donc, sauf si on vous appelle, ne bougez pas. Et une demi-heure après, la présidente du CPAS est venue, elle aussi, pour débattre avec nous de toutes les malfaçons, les maltraitances possibles, de tout ce qui n'allait pas bien dans ce genre d'endroit qui s'occupe de gériatrie. Et ça, tout ça, ça s'est bien passé. Et est-ce que vous avez... des feedbacks, j'allais dire, des retours après. Est-ce que les revendications, les objectifs sont atteints? Est-ce qu'il y a des changements qui sont après faits grâce à cette pression que vous avez mis ou le média qui est venu, qui a poussé un peu les choses? Est-ce que vous avez des retours après? Vas-y. Moi, je voulais dire, mais le problème pour le moment, c'est qu'on n'a pas de gouvernement. Donc, on peut faire pression, on continue à faire pression, on y va. Mais tant qu'il n'y a pas de gouvernement, on ne sait pas... on ne peut pas vraiment... les choses ne peuvent... si, on peut essayer de faire bouger les choses, mais on ne peut pas... Les choses ne peuvent pas bouger tant qu'il n'y a pas de gouvernement fédéral. Mmh. Mais les choses qui sont plutôt organisationnelles aussi au sein de maison de repos, par exemple, c'est plutôt aussi de l'organisation en soi. Alors, les maisons de repos, c'est beaucoup plus compliqué, parce que c'est pas à l'échelon fédéral, c'est à l'échelon régional, communautaire et communal, et aussi un peu du fédéral. Donc, ça touche à peu près à tous les niveaux. Donc là, on peut agir et on commence à agir. Notamment, on a participé à un cahier blanc d'un organisme qui regroupe lui aussi beaucoup d'associations, qui s'appelle le CEPAG, et ça s'appelle le dossier santé d'une centaine de pages, et bien il y aura 10 pages qui sont la façon de voir tout ça, du gang des vieux en colère à l'intérieur. Ils nous ont appelés en disant on voudrait votre participation à ce dossier qui sortira, qui sera rendu public, je pense, le 13 mars à Namur. Par exemple. Mais il y a aussi cette histoire de la pension à points. Bien sûr, ce n'est pas uniquement le gang des vieux en colère qui a fait que cette pension à points a été mise au frigo. Mais nous le savons, parce que comme nous sommes vieux, beaucoup d'entre nous sont aussi des anciens sénateurs ou députés de tous bords. Nous savons qu'on a beaucoup énervé le gouvernement et que c'est une des raisons. Le gang des vieux en colère pour laquelle ça a été mis au frigo parce que les élections approchant il fallait essayer d'un petit peu calmer le jeu. Alors il y a aussi d'autres choses comme ce minimum. On se bat nous pour un minimum qui permette aux personnes de vivre et donc à nos enfants, nos petits-enfants de vieillir dans la dignité et la décence. Et donc on avait au moment où on pensait créer ce mouvement, c'est-à-dire à l'automne 2017, puisqu'on existe depuis le 1er janvier 2018, on avait déjà pensé, pour tout le monde, pas uniquement carrière complète, mais tout le monde, un minimum de 1500 euros nets liés au bien-être par mois pour les vieux. Vous voyez que c'est repris par certains partis. Et puis, il y en a qui font des erreurs. Monsieur Magnette fait une erreur monumentale. Et je pense qu'il va changer d'avis parce qu'il va se rendre compte de son erreur monumentale quand il dit 1500 euros net, carrière complète. Ça veut dire qu'il rejette la moitié des femmes ou plus que la moitié des femmes de son électorat, qui vont lui dire, monsieur Magnette, nous ne voterons plus pour vous parce que vous nous jetez en dehors de cet accord d'un minimum décent et digne. Donc là, je pense que... Donc voilà comment le gang des vieux en colère se fait entendre, et se fait entendre en disant, attendez, monsieur Magnette, il dit pour dans 2022-2024... C'était en 2017 qu'on parlait, et on n'était pas les seuls, hein, parce qu'on n'a pas inventé ce chiffre de 1500. On en parlait, il y a plus de 2 ans. Et donc aujourd'hui, nous disons, ah non, aujourd'hui, puisque tout le monde était d'accord, en tout cas, je veux dire, les gens qui se rendaient compte de ce problème étaient d'accord pour dire qu'il fallait, en 2017, 1500 euros nets liés au bien-être. Alors, en 2020, presque à la moitié de 2020, c'est 1600. Mmh. Ça a bougé. Ne croyez pas qu'on a le même pouvoir d'achat qu'en 2017. C'est pas vrai. Et donc, non seulement c'est 1600 nets liés au bien-être pour tous, mais alors, monsieur Magnette, quand vous arrivez avec 1500 pour uniquement une carrière complète, c'est-à-dire presque tous les hommes, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de femmes, ne faites pas ça. Changez, monsieur Magnette, s'il vous plaît, changez d'avis. Oui, je suis d'accord avec toi, hein. mais même s'il change d'avis, le problème, il est ailleurs. Le problème, il est qu'il ne va pas faire son gouvernement tout seul. Oui, mais alors ça, les gens sont payés, les politiques sont payés pour se démerder. Ils sont payés pour travailler et trouver des solutions. Ah ben, ils n'y arrivent pas. Alors, on est en droit de se demander pourquoi on les paye. Mais sinon, ce n'est pas toi qui va dire comment il doit faire pour que ces bonnes résolutions qu'ils ont eues pour les élections et qui font qu'on a peut-être voté pour eux, eh bien, ils les relèguent au fin fond d'un placard au moment où ils vont passer des accords. Ça ne va pas. Il faut changer tout ça. Il faut que les bonnes résolutions puissent passer quand on gouverne. Et ça, ce n'est pas de notre ressort. C'est du leur, qui se démerde avec leurs histoires. Et qui retourne aux élections. Mais Magnette, ce n'est pas anticapitaliste, donc lui, il est dans le système complètement. Écoutez, c'est vous qui le dites. Nous, on ne sait pas. Non, de toute façon, moi, je comprends, c'est plutôt ce que vous voulez dire, c'est écoutez, nous, les gens qui vivent les choses, c'est plutôt la voix au peuple, quoi, tu vois, aux gens qui sont experts eux-mêmes de la situation. Il y a deux cas. Parce que là aussi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, quand tu dis, ils ne rendent même pas compte ce qu'ils disent, ou même les politiciens, ils font des lois, mais ils ne savent même pas. Qu'est-ce que ça a des conséquences. Donc c'est bien de enfin, il y a de eu donner... ce moment extraordinaire à RTL il y a une semaine où Vrebos dit au baron Timmermans, le fameux baron Timmermans, patron des patrons, il lui dit, attendez, 1500 euros net. Monsieur Timmermans, est-ce que vous pensez que vous pouvez vivre avec 1500 euros net? Que lui répond M. Timmermans ? Monsieur le journaliste, vous êtes un populiste. Extraordinaire. Extraordinaire. Parce que vrai boss, hein. Il y a des mots qu'on emploie à tort et à travers, et on dit du tout et du n'importe quoi. On fait des bonnes blagues sur l'euthanasie pour les vieux, c'est la solution des pensions. C'est une bonne blague, une blague d'UMR, mais enfin, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui.

bravo. Oui, vous devez avoir plein de chansons, non? Oui, oui, vous... et il y en aura une nouvelle lundi. On vient avec un petit orchestre, des chœurs, tout ça. Ok, super. On va vous voir en plein d'action. Ça va. Je ne sais pas si vous avez encore, mais sinon, je pense qu'on a fait un. Mais d'abord, on trouve ça très gentil que vous nous invitiez. Oui, c'est très gentil. Parce que. C'est surtout gentil que vous voulez venir toujours, en parler. On est toujours content, c'est vrai, que grâce à la tribune que vous nous offrez, que les médias, en général, nous invitent. Mais enfin. Une radio rebelle comme la vôtre, ça nous ressemble beaucoup. Et donc, ça nous donne un petit coup de jeune de nous retrouver. On a l'impression mais de... C'est lui qui dit ça. Hein. Moi, le coup de jeune, je l'ai. Hein. Oui, oui, oui. Alors, ça me donne un petit coup de jeune de me retrouver dans une radio qui me fait quand même un petit peu penser à 68. Et donc, on vient chez vous quand vous voulez. Et moi, voilà. En 68, j'avais que 16 ans. Hein. Oui. Donc Juliette, tu faisais une émission Juliette radio. Juliette n'avait que 15 ans. Méfiez-vous des jeunes filles. Ben voilà, avec plaisir. C'était vraiment très émouvant. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut en parler. C'est génial, votre collectif. Merci. C'est vraiment une... Et vous êtes très très nombreux dans votre collectif. Oui, ils ont 11 000. Ceux qui agissent vraiment, c'est aujourd'hui, on va dire que c'est à peu près un bassin de 500 personnes. Ah, quand même. Et on se retrouve régulièrement à un minimum de 50 dans des manifestations. Et c'est monté jusqu'à 300-350. Mais. Vous dites, quand même 500 sur 11 000, c'est très peu. Et c'est parce que, tout à coup, je dois aller chez le dentiste, tout à coup, j'ai une radio d'urgence à faire, et pas une radio comme ici, hein, c'est plutôt une radio des poumons. Tout à coup, j'ai mes petits-enfants qui se retrouvent tout seuls, je dois m'en occuper. Tout à coup, les vieux, malgré tout, ils ont un emploi du temps relativement chargé. Ou je ne me sens pas bien du tout, ou je suis dans le fond de mon lit avec une grippe, etc. etc. Et donc, on sait que ce bassin de 500 fonctionne bien et on a alors des mots d'encouragement du côté des 11 000. C'est sans arrêt. C'est une déferlante perpétuelle sur les réseaux sociaux. On a un forum quand même. Internet. Oui, on a un forum... Avec la page, les pages Facebook, parce que maintenant, on a une page publique Facebook, on a un groupe privé Facebook, et maintenant, on a un groupe Grappa. On a senti le besoin de faire un groupe Grappa à part aussi. Et il faut dire que là, c'est un forum qui fonctionne vraiment, quoi. Les gens discutent, ils essaient. On a aussi, depuis plusieurs mois, des personnes qui prennent en charge certaines régions. Donc, on va commencer à développer des chapitres aussi dans d'autres régions où ils pourront faire des manifestations dans leur région à eux, etc. etc. quoi. Ah oui, c'est dynamique, en fait. Pour le moment, c'est à peu près autant de Wallons que de Bruxellois. Ce qui veut dire que c'est très déséquilibré parce qu'il y a quand même beaucoup plus de Wallons que de Bruxellois. Et donc, on aimerait que ce soit plutôt un quart, trois quarts que moitié-moitié. Mais petit à petit, les Liégeois sont de plus en plus présents, les Namurois aussi, oui. Les Carolos aussi, les Montois aussi. Et du côté flamand ? Du côté flamand, très peu. Très, très peu. Mais c'est toujours pareil, il y a la barrière de la langue d'abord. c'est né en français, c'est comme ça, on peut rien dire. Non, mais c'est pire que ça. C'est que en Flandre, les gens qui étaient, bon, qui réfléchissaient sur la problématique des pensions, etc., etc., se sont tournés vers le Vlaams Belang. C'est là que le Vlaams Belang a fait son... Ah oui, c'est, le Vlaams... c'est sur ça que le Vlaams Belang a réussi à faire sa grosse, grosse percée en prenant tout le social que l'SPA avait déjà oublié, a oublié depuis très longtemps. Ils l'ont récupéré pour le mettre à leur sauce, pour leur dire, ben voilà, nous, on va vous faire le social, on va vous faire la pension à 1500 euros, mais seulement pour vous, hein, pas pour les autres, hein, seulement pour les bons flamands. Ah oui, c'est ça. Hein. Mais oui. Et donc, en Flandre... Les gens qui étaient censés se soucier de cette problématique-là se sont tournés vers le Belang. Enfin, pour vous donner un exemple, le Humo, qui est le magazine le plus lu en Flandre, par à peu près un tirage d'un million, le Humo du 19 février, donc c'est la semaine prochaine, réserve 6 pages aux gangs des vieux en colère. De gang van de razen de ouderen. Ça, c'est chouette. Mm-hmm. C'est bien. Ça va peut-être faire prendre conscience à certains flamands qu'il faut s'y inscrire. Et on traduit un maximum d'articles qu'on sort sur notre site et sur les réseaux sociaux, mais malgré tout, on est plus francophone que néerlandophone parce qu'on a plus de membres francophones que néerlandophones. Et est-ce que vous avez des corrélations avec des mouvements de vieux en colère aussi, qui pourrait avoir lieu en France ou ailleurs? Alors d'abord, il n'y en a pas. Ah, il n'y en a pas. Il y a un tout petit mouvement qui s'appelle les Vioc quelque chose. C'est un titre auquel on a pensé, mais je ne sais pas comment il s'appelle. les Vioc rock ou un truc comme ça. Ils se battent pour eux. En France, vraiment, quand ils descendent, quand ils manifestent, ils se battent pour eux. Et cette idée de se battre... alors qu'ils y sont, alors que les carottes sont cuites, alors que les jeux sont faits, ils se battent pour eux. On veut plus. Et nous, on se bat vraiment pour nos enfants, nos petits-enfants. Nous, les carottes sont cuites. Alors si au passage, on a quelques bénéfices, tant mieux. On ne va pas non plus cracher sur un cadeau qui passe près de nous. Mais en France, vraiment... Ils se battent pour eux. Ils se battent pour notre retraite d'avocat, notre retraite des chemins de fer, notre retraite de vieux, notre retraite de... Ils se battent pour eux. C'est une question de tournure d'esprit, mais nous, ça, on ne veut pas. On se bat pour les plus vieux, comme on vous l'a expliqué, les plus démunis, et pour nos enfants, nos petits-enfants. Okay. Non, parce que là, il y a eu un grand mouvement contre les retraites en France. Bon, parce que Macron voulait instituer la retraite à points et puis l'âge pivot. Mais il y a eu un grand mouvement, effectivement. Mais, tout à fait. Et pour nous, c'est très, très, très important. Je veux dire pourquoi. Vous m'avez entendu tousser, mais quand on tousse à Paris, c'est la grippe à Bruxelles. Ça veut dire que si la pension à points passe en France, elle risque fort de passer. Nous, après, elle va ressortir. Et alors, pour l'arrêter, ça va quand même être très difficile. Voilà. On a régulièrement, si je me souviens bien, d'après les derniers calculs que Denis a fait sur le site, on doit avoir à peu près 3% de Français, principalement du Nord. Région Nord, Nord-Pas-de-Calais. On sent très bien qu'il nous envoie un message. On aimerait bien créer un gang. Est-ce qu'il y a un gang des vieux en colère France qui existe? Et, chaque fois, on répond. Allez-y, on est prêt à vous aider. On est même prêt à aller chez vous. On est prêt à faire Mais vous un êtes connu quand même. On a paru dans des revues françaises. Donc, on commence à être connu en France, ça ouais. C'est sûr. Oui, d'accord. Mais quand j'ai dit en France, dans la francophonie, on a des vieilles de Montréal qui sont des vieilles chanteuses très rebelle et complètement pété, qui ont pris contact avec nous pour voir si on pouvait. Mais bon, elles, c'est pas ça. Elles investissent les marchés régulièrement et elles chantent des chants révolutionnaires en disant ça ne va pas. voilà. Alors c'est génial. Donc on est copains, si vous voulez. Il y a un groupe de vieux Portugais de Lisbonne qui taguent les murs. Voilà, mais ceci dit, ça nous inspire, hein. Pourquoi on n'ira pas un jour taguer, c'est une des premières idées qu'on a eues, hein. Tu te souviens, c'était d'aller taguer des murs. Ne dis pas toutes nos premières idées, parce que... Voilà, parce qu'elles ressortiront, elles ressortiront. Donc voilà, on a des amitiés dans la francophonie jusqu'au Canada, et même dans d'autres pays comme Lisbonne, mais gang des vieux en colère... ailleurs, c'est beaucoup de travail. Hein. Ça nous bouffe. Nous, les vieux, ça nous bouffe. Moi, je ne peins plus comme je devrais. J'ai un éditeur qui m'engueule. Je vais sortir un bouquin à la Foire du Livre. Je n'ai même pas encore pu m'occuper de faire le dossier de presse. Enfin, voilà, quoi. Je veux dire, ça nous bouffe. Parce qu'il nous vous attaque aussi. Et moi, j'avais dit que je faisais une pause pendant 2 mois. Mmh. Et finalement, ma pause était jusqu'à demain. Et je suis ici, quoi. Ouais. Il tombe déjà. Alors, j'ai une opération qui m'attend tout à l'heure. Enfin... Oui, on va vous laisser partir parce que ça devient okay. tard aussi. En tout cas, on est très, très contents que vous soyez venus. C'était très vivant. Hein. Ouais. Oui, mais ça, c'est toujours... Vous avez une dynamique extraordinaire, je trouve. C'est, ça va dans tous les sens. Ça met du baume au cœur. Voilà, mais merci beaucoup. Bah, merci à vous. Vous venez quand vous voulez, en tout cas, et il n'y a pas de souci. Voilà. Merci beaucoup. On ira vous voir le 17 février, de toute Super. Façon. Ne vous inquiétez pas. Là-bas. À partir de 10h du matin, on ira. Voilà. Voilà, on passe un petit morceau de musique pendant que ces personnes se partent. Qu'il est bon le temps de la retraite, disent les retraités avec un air enjoué. On fait très souvent la fête et l'on aime prendre du bon temps. À qui il est bon le temps de la retraite, c'est sûr on l'a bien mérité. Avec nos amis, on chante et l'on rit, on est très content de profiter de la vie. On joue à la belote ou on gagne au loto, et souvent on va faire du vélo. À qui il est beau le temps de la retraite, disent les retraités avec un air. On a bien travaillé, on a gagné des sous, il faut les dépenser. Comme le temps passe vite, il faut se dépêcher. Cette année, on va à Saint-Tropez. Voilà. Bon, voilà. Mais après tout ce discours très, très enthousiaste et enflammé, je vais quand même vous faire notre agenda. Alors, maintenant, on va passer au samedi. Alors, samedi, à 13h, vous avez Barra, c'est 142 rue Barra, 1070 Bruxelles. C'est dans le cadre de l'appel à action européen pour le droit au logement le samedi 28 mars, qui est un ensemble d'associations qui va organiser une manifestation nationale. Donc, en prévision de cette journée, il va y avoir de cette manifestation, il y avait une journée de création artistique qui est organisée le samedi 15 février, donc au local Barra Barra. Pour pouvoir faire des banderoles, vous amener de la peinture. Si vous avez des idées, vous pouvez toujours les donner. Un projecteur également sera mis à disposition pour reproduire en grand format des illustrations numériques, etc., etc. Donc voilà, si ça vous intéresse, parce que le droit au logement, c'est quand même un droit fondamental qui n'est pas toujours respecté. Et donc, cette manifestation du 28 mars doit être le plus coloré possible. Voilà. Ensuite, donc le 14 février, j'ai fini. Alors ça, c'était le 15. Alors le 15 février, maintenant, c'est à 17h. À 17h, vous avez Justice for Zach, Zaki O. Alors ça se passe au Piano Fabrique à partir de 17h. C'est la projection du documentaire de Maria Luca et de Todoris Prodomidis, Les Nuits Dragues d'Athènes, suivi d'un débat avec Nikos Kostopoulos, qui est le frère de Zaki O, Marie Luca, journaliste, et Alexandros Katsis, photographe. Voilà, et il y a un livre en anglais qui est disponible et dont les bénéfices de la soirée iront en soutien des coûts judiciaires du procès de l'assassinat de Zaki O. Une exposition également sera ouverte du 15 au 22 février sur la vie de Zach et les actions qui ont suivi sa mort. Alors, je vais vous dire très brièvement de quoi il s'agit. Donc, le 21 septembre 2018, Zach Kostopoulos a été brutalement assassiné en plein jour au centre d'Athènes. Il était âgé de 33 ans, grec, gay, séropositif, militant au sein de la communauté LGTB contre toute forme de discrimination et de violence et artiste drague, Zaki O. Zaki O a été tué dans la rue d'Axon par deux petits bourgeois propriétaires de commerce et huit flics sous les yeux et les caméras des passants. Très peu parmi eux ont réagi à cette scène brutale. Voilà, donc il y a un procès qui a eu lieu, qui a été un procès complètement stupide, où les policiers n'ont même pas, finalement, les auteurs et les quatre policiers qui ont été appelés en justice pour avoir infligé des lésions corporelles mortelles et non pour homicide. Le procureur et le conseil juridique ont estimé que ceux qui avaient frappé, traîné et menotté un homme impuissant et sanglant sur le trottoir ne l'avaient tué que par négligence. Donc il y a des accusations, enfin voilà. Donc c'est quand même assez fou. Et donc il y a toute une projection pour parler de cette histoire qui est quand même assez scandaleuse. Voilà. Alors ça, c'est le 15 février à partir de... excusez-moi, parce que... Allez, à partir de 17h. Alors, à 18h30... Vous avez Entre Murs et Entre Mondes, rue Winston Churchill 353 à Liège. Il y a La Brèche, qui est un journal de Genepi Belgique. Genepi Belgique, c'est un mouvement qui était venu, qui voudrait parler déconstruire de ce qui se passe dans les prisons. Avec son premier numéro sur les genres et sexualité en prison, La Brèche donc revient pour un deuxième numéro sur le travail en prison. Le numéro 2 de La Brèche s'intitule « Des peines et du travail » et il s'efforce de rendre visibles les conditions des travailleurs et travailleuses incarcérées. Cette rencontre est organisée donc par le centre social autogéré Entre Murs, Entre Mondes, qui se trouve donc rue Winston Churchill à Liège. Et il sera l'occasion de revenir avec le comité éditorial sur nos pratiques, notre démarche, mais aussi par le biais des contributions de ce numéro sur ce qui se trame quant aux conditions de travail au cœur même de notre système judiciaire. Voilà, donc c'est à partir de 18h30 à Liège. Si vous êtes à Liège, vous pouvez toujours y aller. Alors ça, c'est samedi. Ensuite, 19h, vous avez une soirée au DK, rue du Danemark, 70 B Saint-Gilles. C'est la projection d'un documentaire suivi d'une discussion débat avec la réalisatrice et la secrétaire du Secours Rouge International. Alors, c'est un documentaire sur le Rojava. La projection, donc la soirée débutera la projection du documentaire de 27 minutes sur la vie de Kamishli. Le court-métrage donne une idée des réalités contradictoires à Kamishli, principale ville de la Fédération autonome de la Syrie du Nord-Ouest. Et il y aura donc un débat qui sera suivi, une discussion avec la réalisatrice, la secrétaire du Secours Rouge International qui a passé plusieurs mois au Rojava. Elle était présente lors du début de l'agression militaire turque le 9 octobre, a vécu la tentative d'occupation. Depuis 2015, elle a visité la région à plusieurs reprises, a suivi les différentes phases du processus révolutionnaire dans le nord de la Syrie. Donc cette discussion fait suite à celle qui avait déjà été organisée début décembre au local Sako Evangeti. Donc il y a une exposition aussi avant la soirée. L'exposition Rojava, le printemps des femmes sera accessible dès 17h. Donc c'est rue du Danemark, 70B, rue du Danemark 70B au DK à partir de 19h. Donc ça c'est samedi. Alors maintenant nous passons au dimanche 18 février. Dimanche 16 février. À partir de 15h, vous avez un café féministe à l'Agité, 114 rue Gaucheret à Bruxelles. Donc, c'est un dimanche par mois. Donc, l'Agité se transforme en café féministe et l'espace sera en mixité choisie, sans hommes cisgenres. Et voilà. Si vous voulez vous inscrire, pour plus d'infos, vous pouvez écrire à agite@ rizop.net. Voilà. Donc, ça c'est pour dimanche. Lundi 17 février, donc il y a cette action contre le problème de la grappa et tout ça et tout ça, quand on vient de parler en long, en large et en travers. SOP au contrôle de Grappa devant le ministère des Pensions, avec donc le gang des vieux en colère, avec la Ligue des droits humains, avec les syndicats, je l'ai entendu, la CSC, la FGTB, le collectif de lutte contre la pauvreté, et puis il y a plein d'associations. J'ai dit oui, c'est ça. Voilà, donc ça c'est lundi à partir de 10h. Donc c'est à quel endroit? Pardon? Rue des Petits Carmes. Ah oui, 15 rue des Petits Carmes à 1000 Bruxelles. Voilà. Et puis, donc ça c'est pour lundi. Alors, mardi, j'ai rien. Mercredi, par contre, à 13h30, il y a les sans-papiers qui veulent rencontrer la première ministre, puisque maintenant c'est une femme. Donc à partir de 13h30, métro Arlois, à 1000 Bruxelles. Alors ça, c'est un appel du collectif Victimes Régularisation 2009 et du collectif des travailleurs et des travailleuses sans-papiers. Alors, je vais vous lire leur texte. Les sans-papiers en colère, nous sommes celles et ceux qu'on refuse d'écouter, de voir qu'on déshumanise, qu'on criminalise juste d'avoir osé un jour tenter de chercher un avenir ailleurs, meilleur pour nous, nos enfants et nos familles. Nous sommes l'avant-garde des peuples opprimés et voués à l'exil éternel. La Belgique est devenue pour nous un mur contre lequel s'écrasent nos rêves et nos espoirs. Nous y vivons cachés dans des logements insalubres ou dans la rue, exploités par des patrons véreux ou des marchands de rêves. Nous sommes des milliers de personnes qui se retrouvent coincées entre un retour impossible et un futur flou, noirci par la montée de l'intolérance et l'obscurantisme idéologique. Un potentiel réservoir d'électeurs pour les uns, un épouvantail pour les autres, un potentiel économique ou envahisseur à éradiquer. Nous sommes réduits à des bras, une entité sur laquelle il faut se positionner. Nous voulons aujourd'hui, et avec toute la dignité et la force qui nous reste, dire stop à la criminalisation et l'exploitation des personnes sans papier. Nous exigeons une solution durable et juste pour toutes les personnes dites sans papier, soit par le travail dans les métiers en pénurie ou la prise en considération de l'ancrage durable. Nous exigeons réparation du grand échec qu'était la soi-disant régularisation 2009. Voilà, donc ça se passe à partir de 13h30 mercredi 19, au métro Arlois, devant le cabinet de la Première Ministre. Ok, alors ça c'est pour mercredi. Alors ensuite, mercredi 19, attendez parce que j'ai un peu des problèmes avec l'ordinateur, c'est un peu casse-pied, mais ça, j'y arrive, deux secondes. Voilà, alors ensuite, vous avez le mercredi 19 à partir de 17h, un goûter au CNAPD, chaussée de Acte 51 à 1000 Bruxelles. C'est une ASBL qui soutient, et le comité belge de soutien au peuple sahraoui, qui vous invite à un goûter convivial qui sera l'occasion de partager avec les activistes qui ont visité les campements sahraouis lors de la mission civile en octobre 2019. Donc voilà, si vous voulez discuter avec le peuple sahraoui de la situation dans les campements de réfugiés ou dans les territoires et dans les territoires occupés, donc vous êtes bienvenue mercredi 19 février à partir de 17h. Alors, le mercredi 19 février également, à partir de 19h30, il y a une ciné-débat qui se passe au FLAC. Alors, le FLAC, ou la FLAC, c'est un foyer de lutte anticarcérale qui permet du soutien aux proches et aux ex-détenus, abritant plusieurs luttes contre l'enfermement et le système oppresseur mis à disposition aux initiatives sociales du quartier et se définit comme un lieu anti-discrimination. Alors donc, ce FLAC se trouve 10 rue des Orchidées à Anderlecht. Et donc, c'est un ciné-débat avant la prison, déjà la prison. Ils disent que nous voulons poser une question différente. Ils disent, bon, on pose souvent la question de l'après-prison, à quel point la détention perdure dans ses conséquences, à quel point il est dur de s'en sortir. Et là, ce jour-là, le FLAC voudrait poser la question différemment, à quel point la prison est-elle déjà présente dans la vie des personnes avant qu'elle n'y entre officiellement ? À quel point une certaine classe de la population y est-elle destinée de par le contexte social et qui est visée par la tôle et comment elle s'impose comme destin. Donc voilà, il y a un accueil à 19h30 et pop-corn et à 20h début de la projection du film qui s'appelle « La raison du plus fort ». Voilà, donc ça c'est mercredi 19 février. Alors, je vais quand même vous parler du jeudi 20 février et du vendredi. Jeudi 20 février, qu'est-ce qu'il y a donc ? À 9h30, vous avez une exposition féministe in Belgium en 1970 au musée Bellevue, place des Palais, numéro 7. Alors, il y a une exposition qui s'appelle « Libérer les femmes, changer le monde, le féminisme des années 70 en Belgique ». Alors, les féministes, dans ces années-là, les féministes étaient dans la rue. Leur militance est jeune et dynamique. Elles écrivent, s'assemblent, manifestent et organisent de joyeuses actions et tapageuses dans l'espoir d'une société solidaire, égalitaire et épanouissante pour tous et pour toutes. Et aujourd'hui, leurs revendications et leurs analyses restent d'une brutalité brûlante actualité, car malgré d'indéniables progrès, beaucoup reste à faire pour une société égalitaire. Donc il y a une exposition, l'entrée est gratuite, et il y a des visites guidées et visites de groupe et de classe sur réservation. Donc ça se passe au musée Bellevue, qui est place des Palais, numéro 7. Alors ensuite, attendez deux secondes, j'ai le jeudi à partir de 19h, il y a, je crois que c'est à la Maison du Livre, 28 rue de Rome à Saint-Gilles, quel mot pour changer la prison, quel projet sous-entend l'enfermement, quelle légitimité, la prison est-elle réformable, faut-il l'abolir définitivement? L'enfermement est censé éloigner temporairement les personnes dangereuses pour leur permettre de s'amender et de préparer leur sortie avec un moindre risque de récidive. Alors voilà, donc c'est tout un sujet sur le problème de la prison. Donc il y a un avocate, il y aura une avocate pénaliste chargée de cours à l'Université de Saint-Louis et vice-présidente de la commission de surveillance de la prison de Saint-Gilles, Olivia Nederland, qui réalise actuellement une thèse de doctorat sur l'exécution des peines, dans lesquelles elle questionne notamment l'usage du mot « réinsertion ». Docteur en philosophie, spécialiste de l'étude du monde carcéral et du placement sous surveillance électronique, Tony Ferry est aussi conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation au sein du ministère de la Justice et auteur de nombreux ouvrages sur les pénalités contemporaines. Donc voilà, il y a un prix d'entrée qui est de 4€, 2,50€ pour les étudiants et demandeurs d'emploi et 1,25€ pour l'article 27, entrée libre pour les sans-papiers. Donc ça, c'est à partir de 19h et à 20h, nous aurons ces murs qui séparent. C'est vrai que c'est important, il y a de plus en plus de murs qui séparent les pays entre eux, comme le grand mur que M. Trump a fait construire, Netanyahou a fait construire entre la Palestine et Israël. Tous ces murs-là. Et ça se passe à l'espace Delvaux, donc c'est dans la foulée de la commémoration de la chute du mur de Berlin en 2019. C'est la plateforme Palestine Watermall Boisfort qui invite à la projection conférence de Gaël Turin. Ces murs qui séparent ce jeudi 20 février à 20h. Après la projection, donc, il y aura un dialogue avec la juriste Françoise Tulken, suivi d'un débat avec le public. Alors, Gaël Turin, c'est une photographe belge qui réalise un travail documentaire sur les murs de séparation. Alors, il nous ouvre les yeux sur deux murs méconnus et qui pourtant témoignent d'une réalité tragique. Le mur des séparations entre l'Inde et le Bangladesh, le plus long et le plus meurtrier au monde, et le mur de la honte qui coupe en deux Lima, la capitale péruvienne. Ces deux murs, indien et péruvien, mais également le mur israélo-palestinien, seront au centre de cette conférence illustrée qui abordera les approches personnelles, journalistiques et photographiques de Gaël Turin. Voilà. Donc, ça se passe à 20h à l'Espace Delvaux, l'Avenerie Espace Delvaux, 3 rue Grattès à 1170 Bruxelles. Ben, c'est tout, parce que le vendredi, il y a toujours cette réunion à la JOC, si vous voulez y aller, pour préparer la grève du 8 mars. Et puis, c'est tout. Voilà. Bonne soirée à tous. Voilà. Bonne soirée. Merci. Au revoir.